إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، continuons la lecture du tafsir de Cheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di رحمه الله تعالى. Aujourd'hui, on entame le tafsir, l'exégèse de Sourat Abasa, qui est traduit par « Il s'est renfrogné ». قال الله تعالى « عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. الله سبحانه وتعالى dit selon le sens il s'est renfrogné et il s'est détourné. Parce que l'aveugle, entre parenthèses, Abdullah ibn Umm Maktoum, parce que l'aveugle est venu à lui, qui te dit, peut-être cherche-t-il à se purifier ou à se rappeler en sorte que le rappel lui profite. Quant à celui qui se complaît dans sa suffisance, tu vas avec empressement à sa rencontre. Or, t'importe qu'il ne se purifie pas. Quant à celui qui vient à toi avec empressement, tout en ayant la crainte d'Allah et de son châtiment, tu ne t'en soucies pas. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى وسبب نزول هذه الآيات الكريمات أنه جاء رجل من المؤمنين أعمى يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلم منه، وجاءه رجل من الأغنياء، وكان صلى الله عليه وسلم حريصا على هداية الخلق، فمال وأصغى إلى الغني، وصد عن الأعمى الفقير رجاء لهداية ذلك الغني، وطمعا في تزكيته، فعاتبه الله بهذا العتاب اللطيف فقال عبس أي في وجهه وتولى في بدنه لأجل مجيء الأعمى له، ثم ذكر الفائدة في الإقبال عليه فقال وما يدريك لعله أي الأعمى يزكى أي يتطهر عن الأخلاق الرذيلة ويتصف بالأخلاق الجميلة، أو يذكر فتنفعه الذكرى أي يتذكر ما ينفعه فيعمل بتلك الذكرى. وهذه فائدة كبيرة، وهي المقصودة من بعثة الرسل ووعظ الوعاظ وتذكير المذكرين. فإقبالك على من جاء بنفسه مفتقرا لذلك منك هو الأليق الواجب، وأما تصديك وتعرضك للغني المستغني الذي لا يسأل ولا يستفتي لعدم رغبته في الخير مع تركك من هو أهم منه فإنه لا ينبغي لك، فإنه ليس عليك ألا يزكى، فلو لم يتزكى فلست بمحاسب على ما عمله. فدل هذا على القاعدة المشهورة أنه لا يترك أمر معلوم لأمر موهوم، ولا مصلحة متحققة لمصلحة متوهمة، وأنه ينبغي الإقبال على طالب العلم المفتقر إليه الحريص عليه أزيد من غيره. Cheikh Saadi rahimahullah dit: la cause de la révélation de ces 10 premiers versets de Sourat Abasa est la venue d'un homme croyant aveugle, qui est Abdullah ibn Umm Maktoum, qui est l'un des deux muadhin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait deux muadhin. Le premier était Bilal ibn Abi Rabah et le second était Abdullah ibn Umm Maktoum. Et Abdullah ibn Umm Maktoum était aveugle. Il est donc venu questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam afin d'apprendre de lui. Et au même moment, un autre homme parmi les riches est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait cette motivation de vouloir guider les gens, de vouloir guider les créatures. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a penché et a écouté le riche. Et il s'est détourné sallallahu alayhi wa sallam de l'aveugle pauvre. Ceci en espérant que le riche soit guidé et en espérant que celui-ci se purifie. Allah subhanahu wa ta'ala a alors réprimandé son prophète sallallahu alayhi wa sallam par cette douce réprimande. Il a dit, subhanahu wa ta'ala, abasa, il s'est renfrogné. Il s'est renfrogné, c'est-à-dire qu'il a montré son mécontentement à travers son visage, c'est-à-dire que son visage a exprimé son mécontentement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a exprimé son mécontentement lorsque Abdullah ibn Umm Maktoum est venu le questionner. Watawalla, et il s'est détourné. Et il s'est détourné, c'est-à-dire avec son corps. Lorsque l'aveugle est venu à lui. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a cité à son prophète sallallahu alayhi wa sallam le bénéfice qu'il aurait eu en écoutant l'aveugle qui est venu à lui. Et il dit subhanahu wa ta'ala وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ. Qui sait ? Peut-être cherche-t-il, en parlant de l'aveugle, peut-être cherche-t-il à se purifier, c'est-à-dire à vouloir se purifier de tous les mauvais comportements et à être doté des comportements les plus louables. أو يذكر فتنفعه الذكرى. Ou bien, parmi les bénéfices qu'aurait eu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en écoutant l'aveugle et en répondant à sa demande, ou se rappeler et que le rappel lui soit profitable, c'est-à-dire que ce que tu lui aurais dit aurait été un rappel qui aurait été profitable à cet homme aveugle. Et ceci, comme le dit Cheikh Saadi, « وَهَذِهِ فَائِدَةٌ كَبِيرَةٌ. Et ceci est un grand bénéfice. Et c'est le but de l'envoi des prophètes. Et c'est pourquoi les exhortateurs exhortent. Et c'est pourquoi les rappeleurs font leur rappel d'aller vers celui qui vient à toi en montrant qu'il a besoin de toi. Eh bien, d'aller vers lui est ce qu'il y a de mieux à faire. Quant à te détourner, ou à matasaddik, quant à te diriger vers le riche, celui qui est comblé, celui qui ne pose pas de questions, car il n'a pas d'intérêt et ne recherche pas le bien. Le fait donc de te consacrer à ce riche qui ne t'a pas posé de questions, car il n'a besoin de rien et il est comblé, et ne recherche pas le bien, il ne t'appartenait pas cela. Il ne t'appartenait pas de faire cela. فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ أَنْ لَا يَزَّكَّى. Nul reproche à toi si il ne se purifie pas. En parlant de qui ? Du riche. Nul reproche à toi s'il ne se purifie pas. فَلَوْ لَمْ يَتَزَكَّى فَلَيْسَ بِمُحَاسَبٍ عَلَى مَا عَمِلَهُ مِنَ الشَّرِّ. Et s'il ne se purifie pas, tu ne seras pas jugé pour ce qu'il aura fait comme mal. Ainsi, deux situations se sont présentées au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un homme aveugle qui avait besoin de rappel et qui voulait et qui craint Allah azza wa jalla et veut se purifier et veut s'améliorer. Et de l'autre côté, une personne riche qui a sûrement du pouvoir, mais qui ne montre pas une volonté de vouloir le bien et de le mettre en pratique. Ainsi, il y a deux situations, et Allah Azza wa Jal a clairement montré à son prophète sallallahu alayhi wa sallam que le mieux aurait été de se diriger vers l'aveugle. Et Cheikh Saadi dit que ces versets sont une preuve et viennent appuyer une règle célèbre en islam, qui est que l'on ne délaisse pas une chose connue pour une chose illusoire, ni un bienfait avéré pour un bienfait imaginaire. On ne délaisse pas une chose connue pour une chose illusoire, ni un bienfait avéré pour un bienfait imaginaire. Ainsi, entre les deux, entre le pauvre aveugle et le riche, eh bien, le bienfait est la chose connue, et que ce pauvre aveugle, Abdullah ibn Maktoum, est venu avec sincérité pour apprendre du prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour le questionner sur la religion afin de se perfectionner et afin d'atteindre les hauts degrés de la foi. Et Cheikh Saadi dit, il est donc demandé de se diriger vers l'étudiant en sciences qui en a besoin et qui le recherche. Ainsi, lorsqu'une personne qui veut apprendre la science vient à toi pour te demander sur des sujets ou autres, eh bien, tu te dois, si tu en as bien sûr la possibilité et la capacité, de lui donner la science qu'il veut et de lui accorder la chose dont il a besoin. Et comme le dit Cheikh Saadi, c'est ce pourquoi les prophètes ont été envoyés. Thumma qala ta'ala, كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit son le sens. N'agis plus ainsi. Vraiment, ceci, en parlant du Coran, est un rappel. Quiconque veut donc s'en rappel, consigné dans des feuilles honorées, élevé, purifié, entre les mains d'ambassadeurs, nobles, obéissants, que périsse l'homme, qu'il est ingrat. De quoi Allah l'a-t-il créé? D'une goutte de sperme, il le crée et détermine son destin. Puis il lui facilite le chemin. Ensuite, il lui donne la mort et le met au tombeau. Puis il le ressuscitera quand il voudra. Eh bien non, l'homme n'accomplit pas ce qu'il, Allah Azzawajal, lui commande. Que l'homme considère donc sa nourriture. C'est nous qui versons l'eau abondante. Puis nous fendons la terre par fissures et y faisons pousser grains, vignobles et légumes. Mais pour moi, légumes, c'est une mauvaise traduction. Je vous dirai pourquoi, inshallah ta'ala, mais le terme légumes, pour moi, n'est pas approprié, mais c'est plus luzerne, pour ceux qui veulent noter. L-U-Z-E-R-N-E-S. Ouvrier et palmier, jardin touffu, fruits et herbages pour votre jouissance, vous et vos bestiaux. قال الشيخ السعدي يقول تعالى كلا إنها تذكرة أي حقا إن هذه الموعظة تذكرة من الله يذكر بها عباده ويبين لهم في كتابه ما يحتاجون إليه ويبين الرشد من الغي فإذا تبين ذلك فمن شاء ذكره أي عمل به كقوله تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الله سبحانه وتعالى dit n'agis plus ainsi, en parlant à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci est un rappel, c'est-à-dire que véritablement cette exhortation est un rappel de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une exhortation à travers laquelle Allah azawajal fait un rappel à ses serviteurs. Et il leur montre dans son livre subhanahu wa ta'ala ce dont les gens ont besoin. Il leur montre la guidée de l'égarement. فَإِذَا تَبَيَّنَ ذَلِكَ. Une fois que cela est connu, une fois que le Coran est parvenu de façon explicite, Allah Azza wa Jalla dit فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ, c'est-à-dire que celui qui veut s'en rappelle, c'est-à-dire qu'il mette en pratique ce Coran. Comme l'a dit Allah Azza wa Jalla dans le verset 29 de Surat Al-Kahf, la caverne, et dit la vérité de ton Seigneur. Celui qui veut croire, qu'il croit, et celui qui veut mécroire, qu'il mécroit. ثم ذكر محل هذه التذكرة وعظمها ورفع قدرها فقال في صحف مكرمة مرفوعة القدر والرتبة مطهرة من الآفاق وعن أن تنالها أيدي الشياطين أو يسترقوها بل هي بأيدي سفرة وهي الملائكة الذين هم السفراء بين الله وبين عباده كرام أي كثير الخير والبركة بررة قلوبهم وأعمالهم وذلك كله حفظ من الله لكتابه أن جعل السفراء فيه إلى الرسل الملائكة الكرام الأقوياء الأتقياء ولم يجعل للشياطين عليه سبيلا وهذا مما يوجب الإيمان به وتلقيه بالقبول ولكن مع هذا أبى الإنسان إلا كفورا. Puis Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir cité l'importance du Coran, que c'était un rappel et que celui qui veut s'en rappeler, qu'il s'en rappelle, c'est-à-dire qu'il le mette en pratique. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a cité l'endroit et l'immensité dans l'endroit dans lequel se trouve ce rappel et le haut degré de ce rappel. Il dit subhanahu wa ta'ala dans des feuilles honorées, élevées, c'est-à-dire qui ont une grande place et un haut degré. Mutahara, des feuilles purifiées, c'est-à-dire purifiées de tout mal, et purifiées du fait qu'elles puissent être touchées par des diables ou que des diables puissent les voler. Bel hiya, bien au contraire, ces feuilles sont entre les mains d'ambassadeurs, qui sont les anges. Ces anges qui sont les ambassadeurs entre Allah et ses serviteurs. Kiramin, c'est des ambassadeurs nobles, c'est-à-dire qui possèdent un grand bien et une grande bénédiction. Barara, obéissant, c'est-à-dire obéissant par leur cœur et par leurs actes. Et tout ceci de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala est une préservation de son livre. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait fait en sorte d'avoir mis ce livre entre les mains d'ambassadeurs parmi des prophètes, parmi des anges, afwan, parmi des anges nobles, forts et pieux, et qu'Allah azza wa jalla ne l'ait pas mis et n'ait laissé aucune issue au diable pour atteindre ses feuilles. Et ceci doit nous pousser à croire au Coran et à l'accepter. Mais malgré tout cela, l'être humain persiste dans sa mécréance. ولهذا قال تعالى قتل الإنسان ما أكفره لنعمة الله وما أشد معاندته للحق بعدما تبين وهو ما هو من أضعف الأشياء خلقه الله من ماء مهين ثم قدر خلقه وسواه بشرا سويا وأتقن قواه الظاهر والباطنة. Malgré tout cela, l'être humain persiste dans sa mécréance. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla a dit que périsse l'homme, il est ingrat. C'est-à-dire qu'il est ingrat envers les bienfaits d'Allah sur lui. Et comme est grande son obstination à rejeter la vérité lorsqu'elle lui apparaît. Alors qu'il est ce qu'il est. C'est-à-dire que cet homme fait partie des choses les plus faibles. Allah Azza wa Jalla l'a créé d'une eau vile, puis a décrété sa création, puis l'a créé de façon complète, et Allah lui a accordé sa force, c'est-à-dire accordé à cet être humain sa force intérieure et extérieure. ثم قال سبحانه وتعالى ثم السبيل يسره أن يسر له الأسباب الدينية والدنيوية وهداه السبيل وبينه وامتحنه بالأمر والنهي ثم أماته فأقبره أيكرمه بالدفن ولم يجعله كسائر الحيوانات التي تكون جيفها على وجه الأرض ثم إذا شاء أنشره أي بعثه بعد موته للجزاء فالله هو المنفرد بتدبير الإنسان وتصريفه بهذه التصاريف لم يشاركه فيه مشارك وهو مع هذا لا يقوم بما أمره الله ولم يقض ما فرضه عليه بل لا يزال مقصرا تحت الطلب. الله عز وجل après avoir montré la gratitude de l'être humain, il cite ses bienfaits sur lui. Il dit subhanahu wa ta'ala, puis il lui facilite le chemin. Allah Azzawajal lui facilite le chemin à l'être humain, c'est-à-dire qu'il fait en sorte que les causes religieuses et mondaines soient facilitées pour cet être humain. Il lui a montré la voie à suivre. Et il le teste à travers les commandements et les interdits. Puis il lui donne la mort et le met au tombeau. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala honore l'être humain par l'enterrement et n'a pas fait de l'être humain comme les autres animaux, comme les animaux qui, lorsqu'ils meurent, leur cadavre gise à même le sol. ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ Il le ressuscitera quand il voudra. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal ressuscitera cet être humain après sa mort afin de le rétribuer. Et Allah subhanahu wa ta'ala est le seul qui commande l'être humain. C'est le seul qui le gère. Rien en dehors d'Allah n'a ce pouvoir. Et malgré cela, l'être humain ne fait pas ce qu'Allah lui ordonne de faire. Et il reste toujours défaillant. ثم قال الشيخ السعدي ثم أرشده تعالى إلى النظر والتفكر في طعامه وكيف وصل إليه بعدما تكررت عليه طبقات عديدة ويسر له فقال فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا أي أنزلنا المطر على الأرض بكثرة ثم شققنا الأرض للنبات شقا فأنبتنا فيها أصنافا مصنفة من أنواع الأطعمة اللذيذة والأقوات الشهية حبا وهذا شامل لسائر الحبوب على اختلاف أصنافها وعنبا وقضبا وهو القت وزيتونا ونخلا وخص هذه الأربعة لكثرة فوائدها ومنافعها وحدائق غلبا أي بساتين فيها الأشجار الكثيرة الملتفة وفاكهة وأبا الفاكهة ما يتفكه فيه الإنسان من تين وعنب وخوخ ورمان وغير ذلك والأب ما تأكله البهائم والأنعام ولهذا قال متاعا لكم ولأنعامكم التي خلقها الله وسخرها لكم فمن نظر في هذه النعم أوجب له ذلك شكر ربه وبذل الجهد في الإنابة إليه والإقبال على طاعته والتصديق بأخباره. Cheikh Al-Sa'di rahimahullah dit, puis Allah subhanahu wa ta'ala appelle l'être humain à regarder et à méditer sur sa nourriture. Comment cette nourriture arrive à lui après avoir traversé de nombreuses étapes? Et comment Allah azza wa jal facilite la nourriture à l'être humain. Il dit subhanahu wa ta'ala falyanzur al-insanu ila ta'amihi anna sababna al-ma'a sabba. Que l'être humain regarde sa nourriture. C'est nous qui versons l'eau abondante, c'est-à-dire nous faisons descendre la pluie sur terre de façon abondante. Thumma shaqaqna al-ard. Nous fendons la terre pour les grains. Chaqqa, par fissure, fa'ambatna fiha, et nous y faisons pousser. C'est-à-dire, nous y faisons pousser de nombreux types de nourriture. De nourriture délicieuse et de nourriture essentielle à l'aquat, qui sont les nourritures essentielles, également délicieuses. فَأَنْبَتْنَا فِيهَا, nous y faisons pousser des grains. Et ceci englobe l'ensemble des grains, quelle que soit leur nature, que ce soit du blé, de l'orge, du riz, etc., etc. وَعِنَبًا وَقَضْبًا, Allah Azza wa Jal, il fait pousser aussi du raisin et de la luzerne. وَهُوَ الْقَتْ, qui est Al-Qat, comme l'a dit Cheikh Al-Sa'di. Et Al-Qat, en donnant la définition de Al-Qadb, qui est une plante fourragère, qui est une plante fourragère, comme l'ont dit un grand nombre de mufassirin, parmi eux l'imam Ibn Kathir, l'imam Al-Qurtubi, l'imam Al-Tabari, disent que c'est une plante fourragère qui se mange fraîche. Et cette plante fourragère est destinée au bétail et elle a de nombreuses particularités. Parmi ces particularités, c'est que c'est une plante qui est riche en protéines. Et cette plante est traduite en français par luzerne, L-U-Z-E-R-N-E. Donc j'ai essayé de trouver une explication à la traduction présente dans le mushaf vignoble et légumes. Donc vignoble, le raisin, cela est clair pour tout le monde. Et légumes, selon mes modestes recherches, je n'ai pas trouvé ce qui appuie cette traduction. وَزَيْتُونَ وَنَخْلَ, et olivier et palmier. Allah Azza wa Jal a cité ces quatre catégories pour montrer leur immense bienfait et le bénéfice qu'ils apportent, à savoir le raisin, la luzerne, l'olivier et le palmier. وَحَدَائِقَ الرُّلْبَ, et des jardins touffu, c'est-à-dire des jardins dans lesquels il y a énormément d'arbres qui s'entremêlent les uns les autres de par leur grandeur et de par leur fourniture. وَفَاكِهَةً وَأَبَّا, et des fruits et de l'herbage. Les fruits, c'est ce que les gens mangent comme fruits, comme figues, comme raisins, comme pêche, grenade et autres fruits. Wal-ab, fakihatan wa abba, c'est ce que mange l'herbage, c'est ce que mangent les bestiaux et les animaux. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla a dit, à la suite du verset, mata'al lakum wa li'an'amikum, pour votre jouissance et pour votre jouissance, afwan, vous et vos bestiaux, des bêtes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créées et qu'il a mis à notre disposition. Celui donc qui regarde et qui médite sur tous ses bienfaits, cela doit l'amener obligatoirement à être reconnaissant envers son Seigneur. Et cela doit l'amener à produire tous les efforts pour revenir vers lui et pour accourir vers son obéissance et considérer vrai toutes les informations qu'il nous a données, subhanahu wa ta'ala. Thumma qala azza wa jal, yawma yafirru fa'idha ja'ati s-sakha, يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens. Puis quand viendra le fracas, le jour où l'homme fuira son frère, sa mère, son père, sa compagne et ses enfants, chacun d'eux, ce jour-là, aura son propre cas pour l'occuper. Ce jour-là, il y aura des visages rayonnants, riants et réjouis, de même qu'il y aura ce jour-là des visages couverts de poussière, recouverts de ténèbres. Voilà les kafarah, les infidèles, les fajarah, les libertins. قال الشيخ السعدي رحمه الله أي إذا جاءت صيحة القيامة التي تصخ لهوالها الأسماع التي تصخ لهوالها الأسماع وتنزعج لها الأفئدة يومئذ مما يرى الناس من الأهوال وشدة الحاجة لسالف الأعمال يفر المرء من أعز الناس إليه وأشفقهم لديه من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته أي زوجته وبنيه وذلك لأنه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه أي قد أشغلته نفسه واهتم لفكاكها ولم يكن له التفات إلى غيرها فحينئذ ينقسم الخلق إلى فريقين سعداء وأشقياء فأما السعداء فوجوههم يومئذ مسفرة أي قد ظهر فيها السرور والبهجة من مما عرفوا من نجاتهم وفوزهم بالنعيم ضاحكة مستبشرة ووجوه الأشقياء يومئذ عليها غبرة ترهقها أي تغشاها قترة فهي سوداء مظلمة مدلهمة قد أيست من كل خير وعرفت شقاءها وهلاكها أولئك الذين بهذا الوصف هم الكفرة الفجرة أي الذين كفروا بنعمة الله وكذبوا بآيات الله وتجرؤوا على محارمه. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ces versets 33 et 42 que lorsque viendra le fracas du jour dernier, un fracas auquel prêtera attention les ouïes, un fracas qui bouleversera les cœurs, et les gens verront ce jour-là des tourments effroyables, et ils se rendront compte à ce moment-là de l'énorme besoin qu'ils ont des actions qu'ils ont accomplies. Ce jour-là, l'homme fuira les gens qui lui sont les plus chers, ceux pour lesquels il a le plus d'affection. Il fuira son frère, sa mère, son père, sa compagne, c'est-à-dire son épouse, et ses enfants. Ceci, car, comme l'a dit Allah Azza wa Jal, chacun, ce jour-là, aura une chose qui le préoccupera. Il sera donc préoccupé par sa propre personne. Et l'important pour l'être humain ce jour-là sera de sauver son âme. Il ne prêtera donc attention à personne d'autre. Ce jour-là, les créatures seront divisées en deux parties. Il y aura les bienheureux et les malheureux. Quant aux bienheureux, aux joyeux, leurs visages seront illuminés, leurs visages seront rayonnants. Apparaîtra dans leur visage leur joie, leur bonheur, car ils ont pris connaissance de leur sauvegarde et ils ont pris connaissance qu'ils ont gagné les bienfaits, à savoir le paradis. Pour cela qu'Allah Azza wa Jal a décrit ses visages comme étant riants et réjouis. Et il y aura ce jour-là les visages des malheureux, couverts de poussière, recouverts de qatara. Leurs visages seront noirs, ténébreux et sombres. Ils auront perdu espoir d'obtenir tout bien. Et ils connaîtront ce jour-là, et ils sauront ce jour-là, qu'ils sont dans le malheur le plus profond, et qu'ils sont dans la perdition la plus lointaine. Oulaïka, ceux-là, ceux qui ont été décrits en dernier, sont al-kafara al-fajara, ceux qui ont mécru au bienfait d'Allah, ceux qui ont traité de mensonges les signes d'Allah, et ceux qui commettent les interdits d'Allah. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah, innahu jawadun karim, walhamdulillahi rabbil alamin.